Selon l'ONU 6 de Corée du Sud, la 27e division de l'armée sud-coréenne livrera du 19 au 22 septembre les exercices mobiles de campagne de grande envergure aux environs de Facheon et de Chuncheon de la province du Gangwon de Corée du Sud. Pour ce simulacre de guerre destiné à préparer la capacité de terminer l'opération sur place au cas échéant, les bellicistes mobilisent non seulement les effectifs de la division, mais aussi des milliers d'hommes des réserves et beaucoup d'équipements. Pendant cette période, auront lieu, dans l'ambiance de combat réel, l'exercice pour augmenter la capacité de combat et d'accomplissement de missions de coopération interarmes dans la région opérationnelle après l'ordre de mobilisation, l'exercice d'attaque aérienne d'envergure et autres.